Coucou. Le bonjour de pharmacienne, j'en pleux plus. Pas avoir votre ordonnance et votre carte vitale, s'il vous plaît? Oh putain, ça commence bien. T'es dit, tu vas avoir du montage pour 50 ans. Non, mais j'ai essayé de faire laisser au maximum nos conneries. Franchement, c'est ça qui va nous, bah oui, hein. Nous montrer qui on est. Bienvenue. Bienvenue. On est sur le podcast En attendant le bûcher. Alors, on va déjà s'arrêter une seconde sur ce titre. Selon les gens, hein, on est voué au feu, quoi. Hein, nous, on pratique la sorcellerie, donc on est foutu. Donc on est bien obligé de se marier entre temps aussi, parce que on sait que ça va mal finir. Donc en fait, l'idée, c'est que on s'est dit, on cherchait de temps en temps des podcasts ou des émissions sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming pour avoir des choses où on parle de spiritualité, d'ésotérisme. Mais ce qu'on trouve qui manque, c'est un podcast, on va dire francophone. Où on est plus sur de la discussion entre pratiquants plus que quelque chose de dogmatique où ça enseigne. On s'est dit, bah, on critique parce qu'il n'y a pas, mais au lieu d'avoir une force destructrice de critiquer, autant créer. Et quand tu n'as pas quelque chose, et bah, tu le fais toi-même. On n'est pas là en fait pour enseigner, davantage pour partager comment nous on pratique, comment nous on vit la spiritualité, la magie au quotidien. Si ça peut servir à certains, et bah c'est exactement à ça que sert ce podcast. Prenez ce que vous voulez prendre et vous laissez le reste. On n'est pas là pour vous dire c'est comme ça qu'il faut faire ou pas. Juste on vous partage comment nous on fait les choses. Il y a d'autres podcasts qui sont pour le coup avec un format dogmatique d'enseignants qui pourront très bien vous convenir. Là c'est on discute. On est entre nous, il n'y a pas de jugement. Il y en aura peut-être, en fait. Je mens, il y aura peut-être du jugement parce que on juge. Nous sommes des êtres humains. Au minimum, entre nous, parce qu'on se juge, hein, tranquillement, mais on le fait quand même. C'est un peu le cadre de cette émission. Donc, on va commencer par se présenter. Du coup, je m'appelle Charline. Je suis magnétiseuse et maître enseignante Reiki. Je suis rentrée dans le monde des énergies, il y a quelques années maintenant, pour des raisons très pratiques de santé, d'amélioration de la santé. Et ça m'a juste permis de découvrir, de mettre de la conscience, pour être exact, sur le fait que ça avait toujours été là. Il n'y avait juste pas les termes, pas les concepts, pas la conscience, mais c'était une redécouverte de quelque chose qui a bien existé depuis petite. Et ben moi c'est Tony. De base moi je suis virologue, donc j'ai fait des études en biologie, puis j'ai arrêté la virologie parce que c'est un milieu, on va dire, qui m'a un peu saoulé niveau politique. J'ai complètement bifurqué, je suis parti dans la photographie, dans la création de contenu et de création de podcast, de toute évidence. L'ésotérique, c'est quelque chose que je fais depuis tout petit et qui fait partie de moi intégrante dans une pratique un peu de tous les jours, plus en support à moi-même ou à mes proches. J'aurais pas cette approche énergéticienne que pour le coup toi tu as. Et ce qui est très cool justement, c'est qu'on a deux chemins de vie, deux chemins de pratique qui sont différents mais complémentaires. Parce qu'on pratique pas pareil, c'est d'ailleurs complémentaire. On n'utilise pas forcément les mêmes outils et même les outils qu'on a en commun finalement, on les pratique chacun à notre façon. Et c'est vrai que j'avais jamais eu le projet de professionnaliser cet aspect-là. C'était une démarche totalement personnelle au début, puisque on s'est rencontrés quand même, toi et moi, par la science. Exactement. J'étais scientifique aussi. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on veut échanger, c'est vous montrer que cloisonner la science d'un côté, la spiritualité de l'autre, c'est sans doute pas une bonne idée. Ça ferme des portes à certains. Donc là, on est là pour ouvrir aussi certaines portes fermées, vous montrer qu'on peut être cartésien et spirituel. Ouais, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, ça nourrit des parts différentes de vous, donc ça peut vous apporter des réponses ou des choses qui vous manquent aujourd'hui. Et c'est vrai que la vie que j'ai décidé de suivre très tranquillement m'a amené à professionnaliser ce contact aux énergies pour à mon tour accompagner les autres sur le même chemin que celui que j'ai traversé pour le retour à la santé. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir fait le switch aussi de la biologie vers autre chose. Pour t'avoir connu à cette époque-là, justement, j'ai vu comment il y a eu une certaine renaissance de ta part. En tout cas, t'es passé de quelqu'un où tu avais des problèmes de santé à quelqu'un qui retrouvait sa lumière et qui rayonnait un peu plus. Je trouve qu'à l'époque, t'étais peut-être dans une période compliquée pour toi, mais je te ressentais un peu refermé sur toi-même. Et aujourd'hui, je te vois vraiment rayonnante. Je crois que c'est vraiment le terme que j'utilise pour toi en général, c'est je te trouve rayonnante. Et c'est quelque chose qui te correspond bien. T'as une énergie de feu qui est incroyable et tu transmets cette chaleur et cette énergie autour de toi. Bah, c'est vrai que je fais partie des rares personnes, parce qu'on n'entend pas beaucoup, mais aujourd'hui, alors bien sûr, c'est avec du recul, c'est avec du travail sur soi, mais je remercie finalement la maladie qui s'est invitée dans la vie, parce que je pense que c'était le signal de mon âme de on n'est pas au bon endroit, on fonctionne pas de la bonne façon, et il a fallu fouiller, hein, fouiller sur mes modes de fonctionnement, ma gestion des émotions, ce qui était enfoui plutôt que libéré. Mais tout ce travail-là fait que j'ai retrouvé plus de paix, plus d'espace intérieur. Et si je peux rayonner, c'est parce que j'ai l'espace de le faire à l'intérieur déjà et que je peux diffuser aux autres bah, le résultat en fait de ce chemin-là. Avant, c'était bourré de nœuds. Bon, bah maintenant que c'est plus libre, ça circule aussi vers les autres, quoi. Aujourd'hui, le fait que tu aies défait ces nœuds, que tu te sois libéré du carcan de plein de choses, en fait, font que tu as trouvé ta voie, ta respiration. Je sais pas si ça C'est fait exactement sens, ça, mais. respiration. Ouais, c'est vraiment la sensation que là, là, on m'a retrouvé un souffle. Ouais. Donc maintenant, bah, on respire et on partage ce qui peut permettre à d'autres de faire le même chemin, de se retrouver eux pour qui ils sont en fait, pas pour qui ils ont essayé d'être, parfois très inconsciemment, mais c'est le résultat aussi de vivre en société. Hein, on s'adapte d'abord à ce qui nous entoure et puis parfois, il faut faire un retour à soi net, franc. Pas forcément simple, mais toujours bienfaiteur. Parce qu'on parle de spiritualité, donc il y a toute une notion aussi de pratique magique, mais il y a aussi tout l'aspect psychologique qui est extrêmement important, savoir observer son chemin de vie. Enfin, je parle vraiment pour le coup pas en termes spirituels, mais en termes de vie, d'existence. Tu as vécu plein de choses dans ta vie, ça va marquer ton chemin et donc ça aura des traumas, tu auras des blessures liées à ça et c'est ça qui est très important, je pense, quand on se lance dans la spiritualité, c'est de faire de la spiritualité, c'est bien, mais ne jamais oublier tout le travail sur soi pour grandir, évoluer et se libérer de ses propres démons, entre guillemets. Bah, c'est ça, c'est aussi de rappeler bah, à ceux qui écouteront que la spiritualité, c'est pas forcément pour aller chercher des réponses et des solutions, c'est plutôt pour vous aider à décoder les réponses qui sont déjà en vous, mais alors enfouies sous un tas de nœuds, un tas de contraintes, un tas de barrières, mais c'est probablement là en fait. La spiritualité, elle vous aide d'abord à vous reconnecter, pas à fuir une réalité, pas à fuir en avant pour rechercher autre chose, mais retrouver ce qu'il y a en vous et qui a été mis en silence pour des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est pas la question, hein, mais qui factuellement n'arrive plus à s'exprimer. Et c'est quand vous pouvez juste être vous que vous êtes le mieux, en fait. La spiritualité, c'est vraiment, comme tu le dis, la clé, c'est soi-même. C'est d'essayer de trouver des réponses qui nous conviennent à nous, qui nous rendent heureux et épanouis, et non pas de chercher absolument à suivre un protocole, parce qu'on va parler science, d'un protocole qui correspondrait à tout le monde. Non, la recette, elle est unique pour chacun d'entre nous. Bah clairement, on se rejoint là-dessus pour reprendre un terme un peu scientifique. Nous, notre façon de faire, on vous inviterait à expérimenter tout ce que vous croisez et ne garder que ce qui vous convient. Vous pouvez piocher dans différents courants, chez différents comptes, dans différents bouquins, tout un tas de choses. Il ne s'agit pas forcément de juste pratiquer ce que vous avez lu, mais réellement l'expérimenter en Oui. étant ouvert sur ce que vous ressentez. Ça vous convient, vous gardez. Ça vous convient pas, vous laissez de côté. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre propre spiritualité, avec tout ce qui vous permet d'avancer, de vous reconnecter à vous, sans contrainte, sans il faut, sans je Oui. dois, et de suivre votre flux à vous. Et on rajoute deux avertissements. La spiritualité ne se substitue pas à la médecine, Jamais. premièrement, jamais. Elle est là pour accompagner et elle est là pour être bien dans votre peau. Et deuxièmement, pareil, on l'a un peu évoqué, mais la santé mentale est aussi quelque chose d'important pour certaines personnes qui font des suivis justement, qui aident les gens sur un aspect aussi spirituel et psychologique. C'est une aide Mais si vous avez des vrais troubles ou des vrais soucis plus profonds, n'hésitez pas à voir un professionnel qui ont des clés beaucoup plus psychologiques et beaucoup plus académiques, en tout cas sur ce genre de problématiques, qui répondront probablement mieux à ces questions-là. N'oubliez jamais que la spiritualité et n'importe quelle pratique, qu'on parle des soins énergétiques, je fais, hein, du coup, Oui. c'est mon métier, de toute autre pratique, qu'elle soit étiquetée comme bien-être ou pas d'ailleurs, ça doit jamais être votre seul recours, votre seule solution. Le bien-être, c'est quelque chose de complet. Moi, le retour à la santé, il est passé par l'accompagnement médical, les traitements médicamenteux, les psys quand le mental suivait plus et la spiritualité, les énergies. Votre être est de toute façon composé de toutes ces sphères-là. Vous êtes un corps, des émotions, des pensées, des énergies. L'idée du bien-être ne peut pas reposer que sur une sphère. Donc même si ça vous semble être la solution, ne vous jetez pas dans la spiritualité comme étant la seule solution, parce que dans ce cas-là, vous ne vous occuperez que de la sphère énergétique, éventuellement un peu de la sphère mentale, mais pas forcément par le bon biais, et vous oublierez probablement le corps, les émotions. Donc n'oubliez pas, vous êtes un tout. Vous ne délaissez pas un aspect pour vous occuper d'un autre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, Charline, c'est ta capacité à parler aux gens et de poser les bons mots, c'est important. Moi, j'ai tendance à essayer de bousculer les gens, à essayer de les pousser un peu, à aller un peu plus loin que ce qu'ils font. Et t'as cette voix qui rassure beaucoup et qui accompagne beaucoup. Donc, je suis très content de faire ce podcast avec toi, en tout cas. Je suis ravie aussi. On va mêler aussi ici notre complémentarité. Ta force, ma douceur, ton côté direct, moi qui peut-être enrobe peut-être tout le temps tout. Donc c'est ça qui va permettre aussi à plus de gens de pouvoir y piocher des choses. C'est que vous avez deux approches qui sont quand même différentes, deux manières de communiquer qui le sont aussi. Donc il y en aura pour tout le monde et ça permet à chacun de trouver un petit truc par-ci par-là qui va lui convenir ou qui va avoir envie de tester ou tout simplement un message qui passera ici là où il n'est pas passé ailleurs. On construit ce podcast aussi parce que, ben, voilà, comme on a dit, on trouvait qu'il manquait parfois de discussions simples, de sujets de pratiques de tous les jours, des choses simples et pas forcément très dogmatiques. Et Ouais. l'idée, ce serait aussi que, je vais rajouter, je pense, quand je le mettrai sur les plateformes, une petite section questions. C'est ça, c'est un podcast où on n'a absolument pas vocation à vous dire la vérité de l'ésotérique, de la magie, de la spiritualité, mais de vous partager notre façon de vivre ça, nos pratiques, comment on perçoit les choses. Ça vous permet de vous questionner sur est-ce que vous avez la même vision ou une différente. Ça vous permet voilà d'avoir des voix honnêtes. Oui. On ne tient pas la vérité, on vous donne la nôtre. Et vous en faites absolument ce que vous voulez. Charline, toi, on va dire tout de suite ton Instagram, si les gens veulent aller les voir. Les énergies de Charline. Les énergies de Charline, je répète. Et pour moi, c'est Tony Grimoire. Mon compte est tout nouveau. Ce que je disais, en fait, Charline, je la connais depuis... Combien de temps on se connaît, Charline? On est meilleurs amis et on se connaît Tu veux depuis... vraiment compter? On a, On j'ai... approche tranquillement des 10 ans, hein, ça Ouais, va. j'allais dire, j'ai quitté la boîte et tout. Ouais, on s'est rencontrés, ouais, en On s'est rencontrés en 2018. 2017. Ouais, 17-18, ouais. Putain, ouais. Malgré toutes ces années, moi, la spiritualité, ça a toujours été quelque chose que j'ai développé de manière intime, parce que j'ai un gros rejet du prosélytisme et que j'estime que c'est quelque chose qui est très privé. En vieillissant un peu moins, j'ai moins de scrupules à en parler. Mais pendant très longtemps, j'avais pas, plus comme on était dans la science, j'avais la flemme d'avoir ce discours de oui, je suis spirituel et je fais de la science. Mais plus ça va, donc plus je suis à l'aise, enfin à l'aise. Oui, si, à l'aise, on va dire, à l'aise à en parler. À l'aise avec moi-même, j'ai aucun souci, mais à l'aise à en parler, oui, parce que j'ai la flemme d'échanger avec les gens qui sont pas ouverts d'esprit. Et donc, du coup, j'ai créé mon Instagram il n'y a pas très longtemps, donc il est assez vide. Alors que le tien, il est bien et tu fais des guidances régulièrement. C'est ça, 3 fois par semaine, vous pouvez venir chercher un petit message qui peut soit vous aider à vous éclairer sur ce qui vous traverse à ce moment-là, soit vous permettre de poser un œil différent justement sur vos ressentis. Et puis, bah, j'essaye de prendre le temps de vous partager de quoi vous faire comprendre mon métier, sur quoi il repose. Donc, vous partager des choses autour de des énergies, du fonctionnement de l'énergie, histoire que vous compreniez un petit peu ce qui se passe pendant les soins énergétiques. Et puis après, bah, des petites choses vraiment de magie. J'ai appelé ces petits posts les petits trucs de sorcière, les petits trucs magiques de sorcière, où là, bah, c'est mon rapport à cette magie, à la nature, aux éléments, aux saisons. Et là, on rentre dans des petites pratiques, des petites choses dans lesquelles vous pouvez à nouveau piocher librement. Plus le temps passe, plus je trouve que t'affines ta façon de faire qui te correspond de plus en plus. Et là, je trouve que tu as trouvé un super équilibre dans tes posts et tout ça. Ben, c'est vrai que quand je me suis... Ben, en fait, quand j'ai lancé cet Instagram-là, c'était j'ai une activité professionnelle, je ne sais pas trop comment me faire connaître, et manifestement, les réseaux sociaux sont pas trop une option dans notre société. Je me sens un peu boomeuse parfois, on va pas se mentir. Mais j'ai appris à ajuster mes réseaux, à les rapprocher de qui je suis. Ouais. Et puis, il m'a fallu un peu de temps, quelques années, pour juste avoir confiance dans je peux communiquer qui je suis, comme je suis. Ça plaira pas, mais j'ai le droit de le faire. Donc, il m'a fallu un peu de temps pour prendre le droit de bah, exprimer les choses, mes pratiques librement et sans voilà, sans filtrer. Quand j'ai envie de partager un truc, et bah, je prends le temps de le faire, de vous le publier. Donc, c'est pas régulier. Mais c'est toujours fait avec le cœur. Ouais, non, c'est important. Et je pense que c'est un peu le, j'allais dire une leçon, mais c'est tout sauf une leçon, mais c'est l'un des premiers partages qu'on aura, c'est tout ce temps, en fait, pour développer son sentiment de légitimité, pour développer sa spiritualité, être aligné justement à faire tout ce chemin de ça me correspond, ça me correspond pas, mais j'aurais essayé, ça, oh tiens, je le testerai une autre fois. Tout ce cheminement-là, cette expérience-là est primordial pour votre pratique et votre spiritualité. Ne soyez pas pressé. Tous les tests que vous ferez ne vous rendront qu'encore plus aligné avec la personne que vous êtes. Et cette question d'alignement, on en entend beaucoup parler et c'est toujours un peu dévoyé, mais la réalité, c'est que c'est votre alignement aussi qui vous tiendra fort face aux dérives possibles. C'est-à-dire que le monde spirituel n'a pas plus de dérives que le reste du monde, mais partout autour de vous, ce qui vous protège des déviances, quelles qu'elles soient, c'est votre force à vous. Et cette force-là, elle vient que quand on prend le temps d'explorer les choses avec patience, avec écoute de soi. Et l'écoute de vous, c'est ce qui vous permettra de tenir éloigné ce qui ne vous convient pas et ce qui ne vous serait pas bénéfique. Explorez tranquillement, rien de presse, hein, vous avez toute une vie pour le faire. Croyant toutes les suivantes si c'est pas fini, donc tranquille. Je te demanderai, est-ce que tu, pour finir cet épisode, parce qu'on va finir, hein, les gens, je suis désolé, mes petits loups, mais on va finir, est-ce que tu aurais une lecture à suggérer, un compte Instagram ou quoi que ce soit, que tu te dis, bah, à part le tien évidemment, les énergies de Charline. Non, mais est-ce que tu aurais une petite lecture, un petit truc pour commencer, si les gens ont envie de lire? Moi, je suis un grand féru de livres, hein, donc. J'ai deux choses qui me viennent en tête, comme ça vous piochez, parce que c'est deux choses radicalement différentes. Alors moi, je crois beaucoup forcément hein, aux âmes, au fait que notre âme a une vie avant, maintenant et après. Donc il y a un livre qui s'appelle Les familles d'âmes. J'ai pas l'auteur, mais il y en a pas 50, donc vous trouverez. Pour vous aider à connecter à votre âme, à qui vous êtes et à quel est votre chemin. Et un peu plus pratico-pratique pour ceux que ça intéresse de découvrir un petit peu les énergies, le magnétisme et les choses comme ça. Il y a le livre, alors si je me trompe pas, c'est Tout est énergie. Et l'auteur, c'est Fabrice Ruiz, qui est magnétiseur. Donc, il a fait un truc très pédagogique. Vous expliquer ce que sont les énergies dont on parle tout le temps, nous, les magnétiseurs. Et vous aider à aborder ça de façon très simple, très pédagogue. Donc voilà, si vous voulez faire une entrée en matière là-dedans, c'est simple et digeste. Bah merci beaucoup, Charline. Bah, merci à toi pour ce grand saut. Oui. Écoute, tu as fini de me convaincre parce que cette discussion de faire un podcast, on en parle depuis un petit bout de temps maintenant. Alors, surtout toi, on va se laver avant les gens. Quand vous viendrez sur mon Instagram, vous allez découvrir qu'on voit ni ma tête et qu'on n'entend pas ma voix. Donc levez le voile là-dessus. C'était pas mon initiative, mais bah justement parce qu'on est amis et parce que j'ai totalement confiance en toi, J'ai bien voulu laisser l'idée de cette aventure infuser et finalement y aller. C'est vrai. Moi, j'avoue, tout ce qui est création de contenu, podcast, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que ça permet de découvrir des choses plus intéressantes chez les gens. Parce que souvent, on n'a qu'une façade, bah, avec les réseaux sociaux, et d'apprendre un peu plus à connaître les gens, à connaître quelque chose de plus réel, de plus honnête, sincère et profond, c'est quelque chose qui m'anime un peu. Je me suis dit, tiens, faudrait vraiment qu'on crée quelque chose ensemble, sachant que quand on avait nos discussions hebdomadaires, on abordait souvent, bah, parce que justement, on pratique tous les deux, donc bah, souvent, on se parlait bah, de nos tirages de cartes, de choses comme ça. Et on s'est dit, bah, franchement, c'est hyper intéressant, même pour d'autres personnes, si, parce qu'on pratique pas pareil, et de se dire, vas-y, ça pourrait être cool d'échanger, de discuter, même de temps en temps faire venir quelqu'un pour en discuter avec cette personne, afin d'échanger. L'idée, c'est vraiment d'échanger, et donc je me suis dit, allez, faut qu'on le lance pour 2026, le temps de préparer aussi le fonctionnement et tout. Et la semaine dernière, t'as fait un tirage de cartes où celle qui sortait, c'était vraiment qu'il fallait que j'ose et que je me lance. Je me suis dit, tu sais quoi? Allez, semaine pro, on le lance officiellement. Et en plus, Allez-vous, cette fois, c'est la bonne. on tombe sur le début du Verseau, parce qu'on est aujourd'hui le 21 janvier et je suis Verseau. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Laissez-moi y croire. Nous, on adore croire aussi. Parfois, si nous arrange, on vous invite à le faire Tellement, aussi. Hein. tellement On le. n'entend pas la spiritualité, c'est aussi trouver un peu de douceur quand il en manque dans le matériel. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous auto-rassurer avec les signes qui vous vont bien. On le fait aussi. Donc, on essaiera de faire un épisode qui sortira donc tous les dimanches. C'est, comme vous avez un peu compris, c'est on va le faire aussi à l'instinct, hein. On va pas se bloquer, mais on va essayer en tout cas de tenir une petite rigueur, mais surtout de faire quelque chose qui est, bah, voilà. Qui vient du cœur. Donc, si un jour on le fait pas, c'est parce que cette semaine-là, on n'avait pas la force, on n'avait pas l'énergie. Mais quand on est là, on le fait avec amour et bienveillance. C'est ça. On essaye d'y mettre d'abord notre cœur et très peu de contraintes. Je vous souhaite une belle journée et puis on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.